Que j'aime quand tu fais ça. En te

Thank you. E vediamo tutto il mondo, rosa, rosso, verde, nero, nero, nero, nero, nero, nero. Siamo palline colorate ormai e ci muoviamo nel niente, ma balliamo, balliamo, balliamo. I nostri sentimenti e raccogliamo le nostre emozioni, è ora di andare. Siamo un gruppo di palline colorate, legate tutte insieme e colorate. Ecco sì, adesso ci sciogliamo. Ciao Francesca, pallina verde. Ciao Marco, pallina bianca. Ciao Slunch, pallina rossa. Pallina rossa, pallina rossa. Uomini om con piedi con patate avec le pieds avec le pomme de terre e donne femme patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini con piedi con patate om avec le pieds avec e donne patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini con piedi con patate femme avec le pieds avec le pomme de terre patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini om con piedi con patate avec le pieds avec le pomme de terre e donne femme patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini con piedi con patate avec le pieds avec le donne patate con piedi pomme de terre avec le uomini con piedi con patate avec le pieds avec le e donne patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini con uomini avec om donne con donne femme avec femme e piedi e pieux con patate avec le pomme de terre uomini con piedi con patate donne patate con piedi uomini con piedi con patate avec le pieds avec le pomme de terre e donne patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini om con piedi con patate avec le pieds avec le pomme de terre donne femme patate con piedi pomme de terre avec le pieds uomini con piedi con patate om avec le pieds avec le pomme de terre patate. Thank you. Thank you.